Activité 1. Découvrir. Activité 2, 3 et 4. Aujourd'hui, sur le plateau de notre émission Carte de visite, nous recevons 5 personnalités francophones. 1. Philippe Geluc, vous êtes dessinateur. Vous habitez en Belgique, à Bruxelles, et vous êtes l'auteur de la bande dessinée Le Chat. 2. Roger Federer, joueur de tennis numéro 5 mondial. Vous venez de Suisse. Vous avez aussi la nationalité sud-africaine ? Oui, c'est bien ça. 3. Amadou et Mariam, vous êtes musiciens ? Oui, nous sommes aussi chanteurs. Très bien. Vous êtes chanteur et musicien. Vous venez du Mali et vous venez de gagner une victoire de la musique en 2013. 4. Julie Payette, vous êtes née à Montréal, au Québec. Vous êtes astronaute et vous travaillez au Canada.